L'histoire et le canon. Certains éléments peuvent sembler différer des sources dont je m'inspire. En voici l'explication. La première année de Harry et Hermione après la guerre. L'information selon laquelle Harry est entré chez les Aurores juste après la guerre a été donnée dans le podcast TLC avec J.K. Rowling du 23 décembre 2007. Harry et Ron n'y sont pas retournés, à Poudlard, mais Hermione, si. Quand cette interview a paru, j'avais déjà écrit que Harry retournait à Poudlard après la guerre et que Hermione entrait immédiatement au ministère de la magie après avoir passé ses examens sans refaire d'année. J'ai préféré garder ma version. Le travail de Ron. Rowling s'est un peu contredite à son sujet. Tchat, 30 juillet 2007. Ron a rejoint George et Weasley, farce pour sorciers facétieux, où ils ont gagné beaucoup d'argent. Podcast TLC, 23 décembre 2007. Ron, qui n'était pas très bon à l'école, aurait pu vouloir y retourner juste pour faire le mariole pendant un an, faire une pause. Mais il va au département des Aurores, on a besoin de lui. Elle a plus tard redonné une cohérence à cette apparente contradiction. Après la bataille, Weasley, dont la célèbre chevelure rousse semble se clairsemer un peu, est immédiatement entré au ministère de la magie tout comme Potter. Mais il a quitté son poste au bout de 2 petites années pour aller co-gérer le magasin des Weasley appelé Farce pour sorciers facétieux qui vend des farces à trappe et qui connaît un franc succès. Pottermore est Taskeeter à la Coupe du Monde de Quidditch 2014. J'ai gardé ma version écrite suite au chat du 30 juillet, déjà posté au moment du podcast. Le nouveau directeur de Poudlard. Dans une interview diffusée le 30 juillet 2007, J.K. Rowling a indiqué « Qui va diriger Poudlard ? Ce sera quelqu'un de nouveau. McGonagall se fait vieille. Donc, quelqu'un de complètement nouveau. » Elle s'est contredite ensuite en citant le professeur McGonagall, directeur de Poudlard, dans les contes de Biddle le Barde. Pour ma part, je suis restée sur sa première intention. La date de naissance de James. Au moment où je mettais en place le mariage de Harry et Ginny et la naissance de leurs enfants, il y avait une incertitude sur l'année de naissance de James. On savait qu'il était déjà élève de Poudlard dans l'épilogue 19 ans plus tard, mais il n'était pas précisé s'il y entrait en seconde ou en troisième année. J'ai choisi de le faire naître le plus tard possible pour que la carrière de ses parents se mette en place. Je suis donc partie sur l'hypothèse qu'il aurait 12 ans dans l'épilogue et je l'ai fait naître en juillet 2005. Le chapitre relatant sa naissance a été publié en 2009. Le 1er septembre 2015, J.K. Rowling a tweeté pour souhaiter une bonne rentrée à James. Il rentre donc en troisième année dans l'épilogue et aurait dû naître avant septembre 2004, ce qui met à mal mon hypothèse. La profession de Hannah Abbott. Le 19 octobre 2007, au Carnegie Hall, J.K. Rowling affirme « Pour être extra cool, Neville Londubat a épousé la femme qui a fini par devenir la propriétaire du chaudron baveur, ce qui, je pense, l'a rendu très cool aux yeux des élèves et qu'ils vivent au-dessus du pub. » Il a épousé Hannah Abbott. En 2014, Rita Skeeter à la Coupe du Monde de Quidditch écrit « Hannah, Londubat et sa femme vivaient jusqu'à récemment au-dessus du chaudron baveur à Londres, mais on raconte que Hannah, en plus d'avoir suivi une formation de guérisseuse, a postulé pour le poste d'infirmière à Poudlard. Là encore, je suis restée sur la première information. »